À l'occasion du 7e congrès du Parti Travail de Corée, le livre « La réponse de la Corée vue sous un angle nouveau » et le recueil de poèmes « Le pays brillant de l'Orient » sont parus au Pérou en l'honneur des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un. La cérémonie de parution s'est tenue à Lima en présence des auteurs, comme le président du mouvement de l'indépendance nationale péruvienne pour l'Alliance de vote libre, le secrétaire général du Front populaire ouvrier, paysan et étudiant, et le secrétaire général de l'Institut culturel et d'amitié péruvien-coréen, des personnalités de différents milieux de ce pays, de l'ambassadeur coréen et de ses collaborateurs à Lima. L'assistance a écouté un discours et les allocutions des auteurs.